du Christ. Qui est bon. Le roi de rois. Qui est bon. Le prince de paix. Qui est bon. Qui est bon pour moi. Qui est bon. Saint-Esprit. Qui est bon. Esprit d'amour. Qui est bon. Esprit de joie. Qui est bon. Qui est bon pour moi. Qui est bon. Oh mon Dieu. Qui est bon. Frappé malade. Qui est bon. Oh mon Dieu.